gens qui font semblant d'être au fond de ceux qui ne sont pas. Tous ces personnes, tous des bons gars, quand on les regarde passer les gens dans la rue, avec leur chemise la casse et leurs talons pointus, avec leur air hautain et leur garde de faux cul, on dit qu'on a bien fait de vivre dans notre bulle. Certains diront qu'on n'a pas d'ambition, c'est que nous on veut pas être des moutons, et qu'après tous ces murs de réflexion, on préfère plonger en immersion dans notre bulle, dans notre monde. Y'a pas de place pour les crocons dans notre bulle, dans notre monde. Allez, y'a pas de casse, y'a pas de baston dans notre bulle, dans notre monde. Y'a pas de place pour les crocons dans notre bulle, dans notre monde. Y'a pas de casse, y'a pas de baston. Zion, Zion, Zion, oh. Zion, Zion, Zion, oh. Hey. Quand on les regarde passer, les gens dans leur belle voiture, c'est sûr, on ne vivra pas notre vie à la même allure. Dans notre bulle, dans notre monde, y'a pas de place pour les cocons. Dans notre bulle, dans notre monde, allez, y'a pas de casse, y'a pas de baston dans.